La double image par Pierre Courtois. Ah, vieillir, dit à son tour Jean Linière, dont le visage, jeune encore, contrastait avec des cheveux tout grisonnants. Ah, vieillir, on pense sans peine d'un autre, d'un ami, d'une femme qu'on a connue et qu'on retrouve, comme ils sont changés. L'âge les a touchés. On ne le pense guère de soi-même. On a l'illusion d'avoir été épargné par le temps. La révélation, quand elle se fait, est douloureuse. Laissez-moi vous raconter cette histoire. J'aimais Blanche d'un amour passionné. Elle est mêlée intimement aux souvenirs de mon cœur. Je me rappelle le lointain. Je suis dans la force de la jeunesse. J'ai conscience de regarder la vie avec des yeux animés par le désir et de créer le monde pour moi. C'est l'enchantement de la découverte avec l'élan de l'espérance. Je jette sur tout le filet de mes rêves. Des maîtresses s'y laissent prendre, mais mon cœur ne se donne pas à elle. Qu'en aura-t-elle fait? Et qu'aurais-je fait de leur cœur? Je connais sans doute la griserie des soirées tièdes, au bord de l'eau, la douceur de vivre, en respirant la nuit lunaire et ses longs silences dans le jardin, auprès d'une femme, la joie sensuelle d'entendre s'approcher le froufrou d'une robe ou le tintement clair de petits souliers. Qu'est-ce que tout cela? Rien de ces amourettes n'entre profondément dans l'âme. Toutes leurs images se sont éteintes comme les étoiles au bord du ciel matinal. Blanche apparaît dans ma vie un soir de printemps à la campagne. Je suis frappé de son air mélancolique et charmant. L'intonation de sa voix me pénètre comme d'un émoi mystérieux. Son profil est fin, d'une exquise pureté. Ses yeux ont une expression de douceur voilée d'ombre et j'admire la blondeur cendrée de ses cheveux. J'eus le pressentiment que le destin l'offrait à mon cœur. Remarque curieuse, je ne fus pas, à sa première apparition, attiré vers elle par l'attrait du désir, l'instinct de la conquête amoureuse. Je l'associais seulement à un rêve de tendresse lointaine, familière, apaisante. En sortant, je parlais de cette femme à un ami habituel de la maison. « Je ne sais pas grand-chose, me dit-il. » Je l'ai vue assez rarement chez mes amis. Elle est divorcée depuis peu, je crois. Elle vit solitaire. Très distinguée d'esprit et d'allure coquette, aimable, un beau brin de femme. Ces mots firent naître en moi, par un coup soudain de jalousie, le goût physique de cette femme. J'eus peur qu'elle ne me fût enlevée. Je disposais d'elle comme d'un trésor conquis. La conquête, pourtant, ne fut pas une conquête aisée. Je revis Blanche. Elle devina à mon regard, qui ne la quittait pas, à mille à rien, le trouble de mon cœur et la puissance de sa séduction sur moi. Je lui fis d'abord une cour discrète. Sa coquetterie me laissa faire, mais elle ne trahit rien de ses sentiments, et tout resta, assez longtemps, noyé dans le vague de relations mondaines. Je l'accompagnai un soir jusqu'à sa porte. Autorisé par ce consentement, je me déclarai. Je pris sa main pour la serrer tendrement. Elle essaya de se dérober, mais avec une mollesse qui m'encouragea. Elle avait ralenti la marche. Elle m'écoutait sans rien dire qui peut me forcer à me taire. Je pris confiance. Je lui jetai à poignée tout mon cœur dans ces lambeaux de phrases usées qui servent à tous les amants. Elle ne suspecta pas ma sincérité. Elle comprit que je serais très malheureux si elle se détournait de moi. Elle se borna à me dire « Laissez-moi rentrer, laissez-moi. » Je la revis le lendemain. Il n'y a plus pour longtemps d'histoire à raconter. Nous nous aimâmes, Blanche et moi, dans une symphonie d'amour heureux, ardente, puissante comme un chant éternel, douce infiniment. Toutes les ressources de mon cœur, je les versais en elle. Sa beauté rayonnait. Blanche était, sans le paraître, de quelques années plus âgée que moi, que guettait la trentaine. Elle ne l'avait pas avoué, certes, elle s'en serait même défendue, mais je le sus par le hasard d'une indiscrétion. Son jeune amour s'embellissait de sa fraîche jeunesse épanouie. Je me plaisais à regarder ses yeux bleus, aux cils courbes, la grâce de son teint, la perfection de son visage et le mouvement souple de son allure. Je la voyais presque tous les jours, chez elle rarement. Elle venait, comme la lumière, dans mon logis qu'elle aimait et qu'elle parait elle-même de fleurs. Quelquefois nous allions à la campagne, assez loin de Paris, dans une maison isolée qu'elle tenait de ses parents et où elle se plaisait à vivre, protégée par l'ombre des grands bois proches. Je me rappelle cette maison de la Belle au Bois, comme je la désignais, habillée de lierre et de verdure. Du passé de Blanche, je ne savais rien. Je n'avais pas cherché à savoir. Je ne voyais qu'elle, je ne connaissais personne de son entourage. À quoi bon ? Une fois ou deux, elle m'avait parlé de son divorce, que la conduite de son mari avait rendu nécessaire. « Ce fut un homme sans scrupules, » dit-elle. « Il s'est expatrié, me laissant toutes les charges. » Je ne voulus pas la faire parler davantage sur ce sujet. Je ne me souciais que d'elle et de notre intimité. J'aurais désiré la vie partagée tout entière avec elle. Elle ne se prêta pas à mon désir. Elle répétait « Tu sais bien que je t'aime », avec une telle tendresse que je m'en rendais toujours. Elle s'absentait fréquemment pour aller en province auprès d'une tante, chez laquelle était un filleul qu'elle aimait et qu'elle faisait garder, là-bas, au plein air de la campagne. Ses absences m'étaient douloureuses. La jalousie me vrillait le cœur, le soupçon, l'inquiétude. Mais l'effet du retour apaisait ma souffrance et je retrouvais dans ses bras la paix et la confiance. 10 ans nous vécûmes ainsi, presque côte à côte, sincèrement l'un à l'autre et sans qu'il y eût jamais entre nous la mauvaise surprise d'une discussion ou d'une querelle. Blanche restait jeune de toute sa personne. Le temps épargnait son joli visage amoureux. Sa taille conservait sa sveltesse et son allure sa souplesse aisée. Je la voyais telle qu'au premier jour avec des yeux que rien ne désenchantait. L'habitude des heures quotidiennes que nous passions ensemble me conservait intacte son image. Un jour, après une courte absence, elle ne vint pas au rendez-vous que nous avions décidé. Je ne la revis plus. Un billet seulement, au bout de 2 semaines, m'arriva. « Mon Jean chéri, il faut que nous nous quittions. Garde mon image en tes yeux et en ton cœur, comme je garde la tienne. Je t'ai donné mon amour, il est la joie de mon souvenir. » Toutes les tentatives que je fis pour revoir Blanche, pour savoir quelque chose, furent inutiles. Était-elle souffrante ? Je l'avais quittée en bonne santé. Je me souviens seulement que depuis quelque temps, elle était inquiète, nerveuse, mélancolique et exubérante, sans transition. Elle se regardait souvent au miroir. Quel mal la minait-il ? Me l'avait-elle caché ? Je me perdais en conjectures. 10 années de ma vie, 10 années de mon amour s'enterraient dans la douleur. Oui, je ne savais que penser. J'étais abasourdi et désespéré. Du dépit se mêlait à mon chagrin. Je me forgeais des raisons de souffrir en associant la résolution brusque de Blanche à ses fréquentes absences, en lesquelles je voyais maintenant trahison et mystère. Je me reprochais ma faiblesse et mon inertie. J'aurais dû me préoccuper, chercher à savoir. Ah, ce billet reçu, ce billet de mort, où palpitaient encore des mots d'amour, que de fois l'ai-je lu, le cœur comprimé, sans y croire. Et puis, le temps passa, le temps coula, car rien ne peut l'empêcher de passer, de couler. 5 années s'abattirent sur moi. Je m'étais résigné et apaisé. Je voyais bien par instant se lever de l'eau endormie la jolie image, le souvenir de Blanche. Cela, c'était le cadeau du passé. Je l'accueillais avec une douceur mélancolique et fatiguée. Puis l'irritation prenait le dessus, le dépit m'aiguillonnait. Pour me calmer, je me disais presque avec contentement, comme elle a dû changer. L'âge a touché sa beauté. Je faisais des calculs d'années pour elle, sans songer d'ailleurs à les faire pour moi. L'image de tout à l'heure avait beau jaillir de l'eau avec toute la magie de sa séduction. Je savais qu'il y en avait une autre, déjà étrangère à mes yeux. Je fus appelé un jour du côté de Dinan pour des affaires familiales. La petite maison de la Belle au Bois était, je m'en souvenais, dans les environs. Je résolus de la revoir. Un réveil de sentimentalité m'avait surpris. Le passé me faisait des signes. Je me remémorais les heures au beau village qui nous avait tenu compagnie à Blanche et à moi, dans cette propriété solitaire. Oui, je me décidai à revoir un peu de ce paysage, de cette maison, de ce jardin. Je partis. La maison sommeillait au soleil dans la verdure. Personne, semblait-il, ne l'habitait encore. Elle gardait ses volets clos. Je pénétrai facilement par la haie dans le jardin, dont je reconnus les charmilles, les courbes des allées, le petit bois. Je me promenais en rêvant, en me souvenant, en faisant sortir de l'ombre tous les fantômes des jours et des images d'autrefois. J'aurais voulu m'introduire dans la maison, pour voir le salon, la galerie sur la terrasse, la chambre au grand miroir, mais je n'osais et puis tout était fermé. Je me contentais de m'asseoir sur un banc, au seuil du bois, contre la petite déesse de pierre, toute verdie de mousse, qui nous avaient regardés si souvent, Blanche et moi, penchés l'un vers l'autre. Soudain, un bruit léger de pas sur le gravier fin de l'allée me fait dresser l'oreille. Quelqu'un s'approche. J'aperçois Blanche, oui Blanche, qui s'avance. Elle vient de mon côté. Elle ne me voit pas encore. Des feuillages me dissimulent, mais moi, je l'aperçois. Je ne suis pas trompé par une vision imaginaire, non. Ce n'est pas l'illusion d'un songe. Tout à l'heure, j'en avais conscience, je plongeais dans le rêve. Mais me voici à la surface. Je suis dans la lumière, dans la vie. Blanche est là. Je me dis, est-ce possible? Blanche, telle que la voilà. Elle vient, légère, d'un jeune mouvement de hanche, charmante de sa souple toilette bleu pâle, telle qu'elle la portait avec sa distinction naturelle, son air de jeunesse et de joie, son air de jeunesse. Elle ne me voit pas encore. Je reconnais son visage à la fraîcheur délicate et son expression souriante. Ses cheveux blonds rayonnent de soleil. Est-ce possible, Blanche? Je me lève. Je vais aller à sa rencontre. Maintenant, le bouclier de feuillage ne me protège plus. Elle va m'apercevoir. Elle m'aperçoit. Elle pousse un cri. « Maman !» Le cri instinctif de ceux qui ont peur. Puis elle se sauve vers la route. Je demeurais cloué sur place de surprise et les pensées en désordre, comme lorsqu'on s'éveille d'un rêve. Je me remis. Je gagnais moi-même la route en cherchant à ne pas être vu. Je trouvais, fort à propos, un bosquet pour m'abriter. Je m'y jetais. La jeune fille avait couru comme une folle. À une vingtaine de mètres de la haie du jardin, elle s'arrêta. Invisible, je continuai à la voir. Une petite voiture basse, un tonneau, attelé d'un poney, attendait. J'aperçus, tenant les guides, une dame âgée. « Ah, maman !» dit la jeune fille essoufflée. « J'ai eu peur. Dans le jardin, un homme assis sur le banc, près du petit bois. J'ai eu peur. » Elle donna des explications qui m'arrivaient par bouffées. La dame la calma et la voiture partit, au pas du poney, pour monter la côte, dans la direction du bosquet, surplombant la route où je m'étais réfugié. Blanche allait passer à quelques mètres de moi. Pauvre Blanche, c'était bien elle, cette fois. Tout à l'heure, sans le savoir, elle avait envoyé vers moi son image d'hier, son image de joie et d'amour, sa jeunesse, en l'image de cette fraîche enfant, sa fille, si pareille à elle-même, si parfaitement ressemblante à ce qu'elle fut, que la reconnaissant, j'avais été sur le point de jeter ce cri « Blanche !» Mais elle-même, elle était devenue presque une autre personne, aux cheveux blancs, à la figure empâtée, tirée, ridée, que le phare colorait sans éclat. Ce fut avec mélancolie que je la vis passer ainsi et s'éloigner sur la route qui vibrait sous le claquement sec des petits sabots du poney. Et je compris, ou plutôt, il me semble que je devinais. La filleule dont elle me parlait autrefois, et qu'elle allait voir, était cette belle jeune fille, sa Simone, sa fille, son vrai portrait rajeuni, tout en grâce exquise. Elle n'avait pas voulu, par coquetterie sans doute, apparaître à mes yeux en maman. Elle avait craint de vieillir trop vite, ou qu'on s'aperçût qu'elle vieillissait. S'il l'avait offert auprès d'elle, le contraste de cette enfant grandissante. Pauvre ruse inutile, et je crus soupçonner le motif de son abandon. Elle avait conscience que le temps était en embuscade pour faner ses roses et rider son visage. Elle avait préféré se retirer brusquement, en beauté, de mon amour et de mes yeux, pour qu'une autre image ne se substituât pas peu à peu à l'image que l'habitude quotidienne avait imprimée en eux. Peut-être était-ce cela. Je m'imaginais que c'était cela. Les complications du cœur féminin sont infinies, et son mystère nous échappe toujours. La petite voiture avait monté la côte. La double image s'éloignait, n'était plus qu'une tache de couleur foncée, toute menue. Elle avait disparu. Je quittai ma cachette. Mon souvenir était obsédé par l'apparition de l'allée du jardin, par cette résurrection heureuse et imprévue. Mais sur cette image de rêve, je calquais, inconsciemment, une autre image, mélancolique. Mélancolique comme la brume légère qui commençait à estomper la belle journée finissante. Ainsi s'achève La double image, par Pierre Courtois.